漂亮，这是你看看很溜啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 J'arrive dans haut comme Félix, c'est succès clan d'élite. NRM nécrolique des ombres, on finira en Bentley. En vélib, gardez me voir en autolib. Je me mets comme Rick Squad Monopoly. Tous les jours, toute la journée, jet life, négro fume des brocolis. Des frères comme si j'étais sous crocodile. J'débarque à Poudlard comme le jeune Tom. Au micro lourd, négro comme Nefton. Easy bubble comme vitriol, blunt pomme. Osiris Jack, Corleone. Mafieux noir, négro néopec. Si c'est ça prototype de néonec. Epidémie flow, Kakif néonec. Quand on famille toute la planète, crack versé à cher calme. Bientôt vert comme un amec, résidence piscine, terrain de basket. En CFA j'ai des milliards, argent liquide comme mes frères Williams. Futur lutteur, négro riche, bouche, conduiseur à peine, négro avec Gilias. Rive comme Chief, kiff sur un quad noir. Dans la Lambo comme Swagman, complote contre ces bâtards. Tous les jours, négro, mange-moi squat squat. Et sonore, ça est un nazi flow. Les souffrances venues abréger, le frat bientôt asséché. C'est sûr, chiffre comme les cages. J'ai des gars d'air. J'ai des mailles comme des magis. Je suis la taxi, c'est le bassiste. Voilà, c'est avec la clique. On peut rappeler. Parler en chirac, des tractifs. À la pire, à la maxiste. Mitraille aux mailles comme des magis. On suit la tactique, il bâtisse. Dans la crypte avec la clique, un complot à pique. Quand les rats qui frappent, on tire à moi. J'ai des dans le sang, on a Maxis. Je vois la vie comme un chine toc. Jordi est sur Prodor Axis. Valbif, négro la 8 dans le Ziploc. Les souris qui se comptent 16 hausses de ligne. Au pilot crack vert, pisto de 8. 6, 6, 7, on nique vos codes. Envoyé par les states dans Coco. Il y a 100 poches comme un lombard. Sur vos villages, bon bar. Chaque jour, fonce 2, 11, 4. Dans cette merde, on arrive comme la postale. Dans le milieu, pour un tas de thunes. Souligne, fais 6, 4 putes. Crack vert, je les roue, pas de pute. Dans le bendo, mort comme un flatbush. Métamentality, bundle. Ninja Black et Suzuku. Ninja, plein de chimie, plein de coups. Mange, m'en fiche, la fuite du tout. La nouvelle scène, LDO. Rode le soir sur Gotham City. Sans stress, Ken Zego. Prépare ta chute, aucun easy. Sur la prod, j'fais moi taille. Pour les foufous, pas le time. Frisker, Léon, Osiris, Jack, les ventreurs. J'enlève ton foie, j'taille. Dans la Bentley, oui, dans quantité. Fait à l'arrivée du Minotaur. MMS, néo-entité. Ah, noir des films d'horreur. Les mailles comme des magis. Je suis la taxi, c'est le taxis. Dans la crypte avec la clique. On se l'applique. Quand les hanches sont pas des tractifs. Dans la pire à la maxis. Mitraille aux mailles comme des magis. On suit la tactique, il pactise. Dans la crypte avec la clique, complot à pique. Quand les hanches sont pas des tractifs. Dans la pire à la maxis. Goddamn. Wow.